Le temps viendra où, avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même arrivant devant ta porte, devant ta propre porte, ton propre miroir, et chacun sourira du bon accueil de l'autre. Il dira « Assis-toi, mange, tu aimeras de nouveau l'étranger qui était toi. » « Oh, hey, Gaétan, excuse-moi, là, parce que je veux dire aux spectateurs, aux radios, aux radios, non, c'est pas aux radios, c'est aux auditeurs. Quand même important de savoir qu'un spectateur, c'est un spectacle, quoique ce soir, c'est ce qu'on fait à chaque soir. Mais aussi, à la télévision, c'est quoi? C'est des téléspectateurs. À la radio, c'est des auditeurs, mais des auditeurs quand même qui peuvent devenir des spectateurs. Qui sont des spectateurs. Tout ça pour vous dire que je me suis placé sur le micro. Je sais pas comment t'appelles ça, un arrêt de son, pas un arrêt de son, mais pour le vent. On peut pas avoir de vent là-dessus. C'est un parson. Hein. Tous les parsons et les filles de mon âge promènent dans la rue deux par deux. Non, c'est pas les parsons, c'est les garçons. Ça, c'est François Tardy, c'est les garçons. Tous les garçons et les filles. Tous les parsons. Pas les parsons, les garçons. Tous les parsons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les parsons et les filles de mon âge se disent que ça va être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Oh, donne-moi ta main. Donne-moi tes chevilles. Rom, rom, rom, des dames, des didas, dis donc. Tombe l'homme, étale l'homme, rami, didas, dis donc. Lambi, lambi, lambi, lambi, dis, dis, dis, dis, dis, dis. C'est que je me suis mis un cache-micro. Pas vraiment pour cacher le micro, là, c'est... En tout cas, c'est une histoire là de à l'interne, puis je me frotte la moustache là-dessus, puis ça me fait du bien. On dirait que c'est un masseur de moustache. Oh, c'est tellement agréable. Puis là, ben j'ai voulu lire le texte de mon ami Dirk Walcott, puis je me suis enfargé parce que physionomiquement parlant rapidement là, au niveau de ma chevelure et de mon poil. J'ai du poil en bas du nez et j'ai du poil en bas de la baboune. De la bouche. Donne-moi ta bouche. Voyons les papas de moi, bébé. Voyons les papas sur ma main. Laisse-moi t'embrasser. Écoute-moi bien. Oh, vas-y, bah, donc avec les écoute-moi bien. OK? Écoute-moi bien. On y va. Donne-moi ta bouche. Voyons, n'aie pas peur, moi. Voyons, n'aie pas peur. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'embrasser. Laisse-moi. Le temps viendra où, avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même, arrivant devant ta propre porte, ton propre miroir, et chacun s'ouvrira du bon accueil de l'autre. Il dira « Assis-toi, mange. Tu aimeras de nouveau l'étranger qui est en toi. Donne du vin, donne du pain, redonne ton cœur à lui-même, à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie, qui t'a négligé pour un autre et qui te connaît par cœur. Prends sur l'étagère les lettres d'amour, les photos, les mots désespérés. Détache ton image du miroir. Assis-toi. Regarde-toi. Régale-toi de ta vie. Bon. Pendant ce que je fais mon émission, il y a des courts-circuits. OK, c'est OK. Merci. C'est OK, OK, OK. Il y a des gens dans la prairie, des gens dans la prairie. Il y a le Rockin' Girls. Comme je suis insomniaque. Quand je suis couché, je pense à des trucs. Ça fait longtemps, je me disais ça hier, dans mon lit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis là, je me souvenais plus. Gilbert, pas Gilbert Delorme, là, mais Jessica Gilbert, la fille qui jouait dans La Petite Maison dans la Prairie, là, qui était rouquine, beaucoup moins jolie que l'autre, qui, elle, était Swanderson, Melissa Swanderson, et Melissa... Melissa... Mais c'est qui, non? En tout cas, Melissa Gilbert et Melissa Swanderson. Mais celle qui faisait la chippie, là, je connais pas son nom, malheureusement. Je connais pas son nom. Je vais la connaître, moi, pour lui dire hey, t'étais pas gentil dans cette émission-là. C'est toi, j'espère, là, comme la femme, malheureusement, la comédienne qui a joué dans un film dans les années fin 40, début 50, Aurore, l'enfant martyr, la mère, quand elle allait faire ses emplettes, se faisait injurier. Les gens ne pouvaient pas aller... Aujourd'hui, je suis certain. Moi qui fais de la radio, voyons donc. Puis surtout, j'ai une copine, ma copine d'une certaine époque, qui m'a dit... Écoute, comme tu fais une émission qui remue, qui brasse la machine... Attends-toi à avoir des courriels qui sont aussi aussi vissés dans le plancher, là, qui sont aussi incisifs. Tu brasses la cage. Attends-toi de voir des plumes qui vont descendre. Là, tu sais que l'automne, à un moment donné, il y a des affaires qui vont se passer. Puis bon, ben, fait que sois pas innocent, mon petit curieux. Ne sois pas innocent. Il n'y en a même pas. On les a comptés hier. Hey, ils nous ont dit, là, à l'achat, 100 capsules. On a ouvert, il n'y en avait pas. Ça a dû coûter 28$. On a été voir le vendeur. On a dit, hey, c'est écrit 100 capsules, puis il n'y en a pas de maudite. Mais oui, mais il a dit, mais écoute, ben, c'est certain, c'est 100 capsules. Il n'y en a pas de capsules. C'est 100, pas 100, c'est UNT, 100 SAS, CANS. Ça, il n'y en a pas. Vous nous faites payer des choses qu'il n'y a pas. Ben oui, mais hey, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous, là. On ne vous limite pas, là. Vous n'êtes pas en Russie. On vous donne le choix. C'est écrit 100 SANS. Vous avez pris le 100 SANS. Mais il n'y en a pas. C'est du bon sens, ça, là. Si t'es assez imbécile, mon triple... Si t'es assez imbécile pour l'acheter, ben tant mieux! J'en ai mis huit dans ce format-là. 100 capsules. Mais je me suis dit, on va prendre des caves, des imbéciles. C'est les mêmes qui vont jouer au casino et qui disent, on va faire gagner la machine. Hein, on l'a dit l'autre jour, on a fait, voyons, non! La petite madame Tremblay, là, qui joue au bingo, là, qui a du beaucoup de plaisir au bingo, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire là, là. Quand tu joues aux cartes, moi, je suis un amateur de trucs de cul. J'aime ça jouer au trucs de cul. Ça... non, c'est un jeu de cartes. Ben, c'est pas un jeu de cartes, le trucs de cul, là, mais c'est un... Comment dire? C'est une loi. C'est une façon de jouer aux cartes. Non, je joue pas par le truc. Non. C'est un jeu de cartes. Mais c'est pas un jeu de cartes. Comment ça va? Hey, peux-tu mettre le spécimen à A1, s'il vous plaît, là? Puis descend l'atmosphère. Parce qu'il fait chaud, ça. Il fait chaud. Mais vous connaissez pas jouer. Vous connaissez pas ça, vous là, là. Vous arrivez d'où? Ben moi, j'arrive de Saint-Augustin. Oh! Et puis, ah, c'est beau Saint-Augustin, mais c'est parce que c'est pas ça que je voulais aller. Comment? C'est pas ça que je voulais aller. Ah, vous vouliez pas aller là-bas, puis vous... Ben, moi, je me suis... Moi, je suis tout nouveau dans le... Comment t'appelles ça, là? La technologie. Oui. Ben, au début, moi, j'avais ma... Moi, j'étais heureux, moi. Avant ça, là, j'étais bien heureux. Je souriais pour rien. Je souriais à la vie. Le soleil me se présentait, je souriais. Un petit nuage passait, je souriais. Des enfants riaient, je souriais. Là, depuis que je me suis adonné à la technologie, j'ai toujours le nez dans les livres. Le manuel d'instruction, là, c'est ça l'histoire du GPS. Mais si mon GPS, pas cher. Ça vaut pas cher non plus, là. La voix, je la reconnais même pas. C'est même pas une voix humaine. Puis c'est certain que c'est pas des humains qui font ça, là. Ben, j'espère que c'est des humains qui font ça, mais les voix, c'est pas... C'est peut-être mon invité de ce soir qui prête sa voix au GPS. Peut-être. On vient de faire un monstre. On vient de ah, madame, ah, monsieur. Oui, mais... Ça part de 250$, puis ça descend à 25$. Je me suis dit, écoute, rapidement, là, tu sais, je resterai pas infiniment là-dessus, moi, là. Tu sais, devant un comptoir de GPS, m'en prendre celui à 25$. Fait que là, je branche ça dans... Je me suis acheté, ouais, avant ça, trois semaines avant, un ordinateur, là, vous dites monsieur, ça, j'ai passé proche de le prendre, là, l'ordinateur, puis de l'ordiner en dehors de la fenêtre. Mais comme je me suis acheté des portes... avec des senseurs. Je suis devenu totalement, moi, la technologie, moi, là, avec des senseurs. Tu passes devant ta porte, parce que... Bon, on va vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie, là. Je suis dans une phase où j'aime bien m'amuser, là, puis rencontrer des gens, puis ramener des gens à la maison. Mais quand je reviens avec des gens à la maison, ça, je suis un peu 40-11, là, 60-11, puis Valderie, Valdera, puis là, j'essaye d'ouvrir la porte avec toutes mes clés, les vieilles clés des années, je sais pas, la porte, ça existe depuis combien de temps, la porte? On a retrouvé un dans un coffre, la porte, en tout cas, une autre porte que ça. Et puis, donc, oh mon doux. On va avoir un petit moment de réflexion sur M. Laporte qui nous sommes. Et puis, c'est ça. Donc, l'ascenseur en question, c'est parce que j'ai eu des problèmes à ouvrir une porte avec une jolie. J'ai rencontré une barmaid, mais pas n'importe quelle barmaid, la barmaid Cougar. La Cougar, là. Elle te regarde, là. Puis tu sens qu'il y a un regard dans le Cougar. Tu dis, ça ronronne. Hey, monsieur, c'est comme mon dernier véhicule. Véhicule sport, là. Ça part, là. Tellement, mais là. Oh, fait que j'amène. Nous ramenons à la maison. Dans mon domicile, qui n'était pas le sien parce qu'on se connaissait pas assez pour que. Ouais, quand je rencontre une fille, là, après 15 minutes, là, c'est pas son domicile, mon domicile, là. Chacun a son... Hein? Chacun a sa direction. Ça fait que... Non, mais l'histoire va se finir. Faites-vous-en pas, Mme Thibodeau, là. Non, prenez pas des notes, là. Oui, je sais, c'est décousu. Mais, quand même, on est dans un beau fil. Un fil de choix. Mais on revient à l'histoire, là. On revient. Faites-vous-en pas, on revient. Ça fait que, là, moi, là, quand j'étais devant la porte, avant que je mette des censeurs, j'avais mes clés traditionnelles, là. Puis là, il essaye d'ouvrir. Là. La créature me dit, les dents vers le haut. Et je dis, voyons, viens là comme ça, avec des dents. Non, non, pas vos dents, monsieur, là. Parce qu'elle était quand même assez jeunette. Pas jeunette, jeunette. Mais elle était majeure, monsieur. Elle avait 19 ans et 3 quarts. Puis elle avait plus que 3 quarts dans cette fille-là. Il y avait au moins 20 quarts. C'était. J'ai écouté sincèrement, là, j'ai fait 3 messes noires pour sortir ces démoniaques, là, des démons là-dedans. Ça part au. Tu n'as même pas à rien. Tu rentres même pas de clé, tu t'embrasses pas, puis. Et là, je dis, monsieur. Ai-je le courage de me rendre jusqu'au lendemain matin? Elle bouillonne. Là. Tu sens que le printemps est en elle, puis ça fait un peu au moins 16 ans que le printemps est en elle, puis. Puis elle a quelque chose aussi pour se donner la chance d'avoir le printemps en elle. Là. Ça fait que. Après ça, je me suis dit, hey, c'est fini, là. C'est fini les clés, on va mettre un censeur. Voilà, c'est ça. Fait que, on arrive à. Parce que moi, je reste au 18e étage. De ma maison. Ouais, c'est des maisons superposées. Fait que là, on arrive au 10e étage de mon. Avec l'ascenseur. Et là, le senseur, en ouvrant la porte de l'ascenseur, le senseur me capte pas. Là, j'ai dit, c'est clair, c'est parce que je ramène une beauté exceptionnelle, puis elle rayonne, puis avec le senseur, ça rentre pas, ça fonctionne pas. Sauf que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'avais aussi. Prévu le coup, si à un moment donné ça flanche ces affaires-là, là, j'ai une reconnaissance faciale. Qui dit face dit visage. Fait que là, je colle mon doux visage sur le scan, sur le numérisateur en avant de moi. C'est une vitre. Puis là, il y a une lumière qui monte et qui descend pour savoir si ils prennent quelques traits du visage, si ça correspond. Que là, c'est écrit « non corresponding ». Comment ça, c'est pas francophone? C'est pas fait en Belgique, ça, là? « Non corresponding ». Je me recolle le visage plus proche. « Non corresponding ». Puis après, le troisième « corresponding », là, la porte fonctionne plus, là. C'est comme une carte de guichet. Trompe-toi fois, là, c'est fini. Faut que tu appelles le concessionnaire, faut qu'il vienne te débarrer. Puis, oh mon Dieu, la reine. Fait que là, je me suis dit, écoute, si mon visage ne correspond pas à mon véritable visage, c'est que je dois vraiment être dans un autre monde. Mais je me suis souvenu que j'avais dans mon portefeuille, en arrière de ma fesse droite, ma photo. Je dis, hey. Mon Dieu, hey, c'est quand même, c'est comme une voix, mais je remercie le bon, je tiens à remercier comme dans les prix, là. Je tiens à remercier le bon Dieu de m'avoir donné cette lumière. Je remercie aussi la Sainte Vierge qui me stimule depuis tant d'années. Et aussi, je remercie ceux que je ne remercie jamais, c'est-à-dire mes amis imaginaires, de m'avoir soufflé. Écoute, Mana, écoute, on est des amis imaginaires, on va t'aider, là. Prends une photo de ton portefeuille, là. C'est la photo que t'as prise il y a 2 semaines pour ton passeport, pour partir à Paris. Parce que tu pars à Paris, toi, ils t'acceptent encore là-bas. Ils connaissent pas ton cas. Ils n'ont pas évalué ton état psychologique. Sinon, ils te bloqueraient au bord. Voyons donc, tu ne rentrerais pas. T'es totalement incoordonné. Je dis, hey, à Paris, il y en a plein des incoordonnés. Et moi, quand je vais faire mes rencontres, tout le monde. Puis là, ils deviennent violents, là, voyons donc, toi. Que là, je me suis dit, c'est la dernière chance. Hein? 3 chances, ça annule tout. Je prends ma photo. Jolie photo de ma jeunesse. Caresse-t-il mon bébé doux. Hey, on l'a fait récemment. Et je le plaque sur la vitre du numérisateur. Et j'entends le... Ça veut dire bravo, bravo. Ça fait... Oh mon Dieu. Oh, j'espère que la jeune fille n'a rien vu. Oh, j'avais une larme qui tombait. Mais les hommes ne doivent pas pleurer. On dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. Mais si tu le fais ce soir, réponds-le et de recommencer avant de rentrer dans les espoirs. Ça ne doit pas pleurer, mais ne t'en fais pas ce soir. Merci, moi je m'en fais jamais. Je me dis que ça me nettoie les yeux. J'ai des problèmes au cul, oculaires, aux yeux oculaires. Et puis ça a l'air que c'est normal, vu que c'est des allergies précoces. Moi, ah mon Dieu, je la sens arriver, mais 2 heures avant, j'éternue pour au moins immuniser toute la rafale qui va m'arriver. Tout ça, c'est psychologique. Tout est psychologique. Psychologique. Ça démarre de rien. C'est comme une poussière. Puis quand tu l'abandonnes, la poussière, là, ça grossit. Ça devient une pierre. Ça devient une roche. Ça devient un barrage. Ça devient un rocher. C'est psychologique. La vie est psychologique. Mais pas écologique. La vie, ah, oh, c'est loin d'être écologique, la vie. Oh! Surtout la nature. La nature fonctionne pas dans l'écologie. La nature fonctionne. En fait, c'est comme un chat. Un chat, quand il se sent un peu sale, il se lèche pour se faire une beauté. La nature, c'est comme ça, mais l'homme s'amuse. Hein, à salir tout ça, bien, on va mettre du cramage, on va y faire crever, on va la nature, on va faire un beau petit feu, puis à un moment donné, le feu, ça fait un feu de forêt. Oh, moi, je pensais pas que ça allait faire un feu de forêt, moi, là. Je voulais faire un petit feu pour faire plaisir à mon épouse, que je connais depuis des ans, 52 ans. Puis elle me dit souvent, il n'y a rien qui m'étonne chez toi. Mais là, j'ai dit, on va faire un petit feu. J'avais amené des guimauves. Petit bon des guimauves, hein? Oh! Des guimauves. Mais ils sont pas... Comment ça, on appelle ça des guimauves? Ils sont pas mauves, ils sont blancs. Il y en a des colorés, mais normalement, ils sont blancs, les guimauves. Comment ça, on dit des guimauves quand ils sont pas mauves? Pourquoi on dit pas des guimauves blanches? Oh, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qui se passe dans ma tête. Fait que. Il y en a des affaires qui se passent là. Attention, monsieur Thibodeau, le grenier est plein. Laissez descendre. OK, du grenier, c'est bien sûr. La tête, le grenier, hein? Faites descendre en bas de la bouche. Ça va glisser. Quand ça glisse, c'est lisse. Quand ça freine, c'est de la gurnotte. Ne jamais s'intéresser à la gurnotte. Au pire, vous faites comme les vaches. Vous ramenez et vous laissez reglisser. Mais dans ce cas-là, il faut avoir 2 estomacs. Hein? Puis là, c'est rare qu'on va voir le médecin. « Hey, docteur, oh, je sais que je suis pas malade. » Ben, malade, oui, je suis malade, mais vous allez bien savoir ce qui va se passer. Là. Je suis un peu malade, mais c'est pas physique, moi, là. C'est électrique. Non, c'est pas physique, c'est... On va le dire ouvertement, là, comme ma chatte quand elle se couche. Rien, elle n'a pas peur. Elle rouen les 4 pattes. Ouais, non, et mon Dieu, elle veut que je lui flatte la bédaine. Fait que moi, on va dire ce qui se passe, là. C'est que... Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ah, c'est ça, l'histoire! C'est ça, l'histoire, puis c'est ça que j'aime dans cette rencontre-là. Dans ces rencontres-là, c'est qu'à un moment donné, tu parles, puis ouh, le fil. On a coupé le fil. Puis combien de fois sur mon cellulaire, on a coupé le fil? Je parlais, là, allô? Allô? Allô? Ça raccroche. Voyons donc, je me suis-tu enfargé dans le fil, moi, là? Ma copine me dit, mais non, il n'y a pas de fil, c'est un cellulaire. Mais oui, mais voyons donc, un cellulaire, ça fonctionne même s'il n'y a pas de fil. C'est un fil... Hein, c'est un fil inventé. Même s'il n'y en a pas, il y en a un. C'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y en a pas. C'est un fil qu'on appelle virtuel. Quand c'est virtuel, c'est pas parce que c'est pas vrai. C'est une version autre que la vie aujourd'hui nous amène et nous apprend à... C'est ça, à digérer. Puis surtout, on essaie de nous faire croire des affaires de même. Non, mais si ça n'existe pas, là, c'est pas vrai, là. Si tu le vois pas, là, puis que... Non, si toi, tu le vois, puis tout le monde le voit pas, c'est pas vrai. Voyons donc! C'est pas vrai pour toi, mais c'est vrai pour les autres, là. Puis si c'est pas vrai pour toi, puis c'est pas vrai pour elle, puis c'est pas vrai pour lui, c'est vrai pour la personne qui le voit. Puis ça, c'est l'important... C'est la plus grande importance. La, hein? Comment? La plus grande importance? C'est... Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Thibodeau? La plus grande importance, c'est la rose. Oui, OK. Bon, plus vraiment, là. Moi, c'est le muguet. Le muguet, puis, hey, ce qui est difficile, je me suis acheté... on s'arrête là-dessus après, avant de passer à mon invité. Je me suis acheté des... Comment tu appelles ça? Des fleurs... pas des fleurs sauvages. C'est des... vous savez, des violettes africaines. Ça, c'est difficile à faire vivre longtemps. Là. Hey, à un moment donné, j'achète ça le mardi. Le mercredi, déjà, les 6 petites fleurs à valeur à descendre. Bon, là, je me suis dit, on va vérifier si c'est humide. Puis là, ils disent, ne jamais placer ça dans... Il faut mettre ça en bas. Ils vont sucer. Oh, les violettes africaines sucent. C'est ça que je voulais dire, des violettes africaines, madame. C'est pas... Ouais, je me suis trompé de catégorie, c'est les violettes africaines. J'ai dit les violettes africaines. C'est important de le savoir, là. Il y a eu une petite erreur. On va corriger. Erratum, violette africaine. OK, on repart là-dessus. Ça fait que là, je me suis dit, voyons donc, le doigt, oh, là, il me semble que... Fait que... Je me préparais. Comme toutes les plantes, moi, je mets ça vers le haut. Là. Ah non, non, non, pas les violettes africaines! C'est subtil! C'est fragile! Mets ça vers le bas! Ah ouais? Ben oui, ils vont inspirer, ils vont sucer! Sucer l'eau! Ben voyons donc, je n'ai pas acheté un monstre, moi j'ai acheté des violettes africaines! Ah, puis c'est tellement compliqué à faire vivre ça, là. Je leur parle 24 heures sur 37. Je leur dis, ah, ça va, parce que je suis insomniaque. Je leur dis, ah, ça va aller. Mais là, ils sont tous courbés, puis, oh, mon Seigneur, tu sais, comme le Québécois qui se demande, là, est-ce qu'on va avoir un Québec? Ah, oh, mon Dieu, on attend. On est en train de pourrir, là. Oh, mais dans le monde, ben, t'as arrêté d'attendre, là. J'ai dit, si je place une paille dans la terre et que je souffle, respiration artificielle, hein, on peut se faire une respiration artificielle de ces affaires-là? Une violette africaine peut-elle vivre grâce à des inspires et des expirations? Je me demandais, là, je cherchais ça sur Google. Et des grosses... Non, mais des grosses recherches, là. Ma vie s'est arrêtée sur mes violettes. Parce que c'est la plante la plus complexe à garder. Là, je parle pas non plus des trucs qu'on retrouve en Amazonie. Là. On peut pas amener ça ici, voyons donc, il y a un hiver. Il y a 4 saisons, là. Il y a des affaires dans la vie. Il ne faut pas trop s'attarder. Mais j'aimerais vous inviter à vous proposer. J'aimerais vous inviter, Mme Thibodeau, M. Tremblay, auditeur de CKRL, à connaître mon invité de ce soir. Parce que là, je devrais dire à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule. Aujourd'hui, le vendredi, et ça, c'est bien parce que c'est vendredi! Vendredi 15 juillet 2016, les errances rénaldiennes vous proposent mon ami et bientôt votre ami, Gwendal Anglade. Gwendal Anglade est un comédien, est un être qui fait de la création sonore. Et voyons donc, il va se dire, mais non, je n'ai jamais fait ça, la création sonore. Non, ce que je voulais dire, du doublage. Il crée pas, là, mais il représente des personnages américains dans des séries américaines.

la raguette, j'ai la démangeaison. Celle-là qui s'arrête quand je grimpe le caleçon. Je veux pas te faire peur, je veux pas te mettre des fois des filles. Alors de vérité, dans une rue isolée, je te la montrerai dans mon manteau caché. Surtout faut pas crier, à me tuer les voisins, tu sais, je peux me fâcher, et gueule. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Oh, oh. Il n'y a rien de mieux que ça. Oh, oh. Il n'y a rien de mieux que ça. Il y a une fille. Il y a une fille. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Il y a une fille, il y a une fille. Elle est belle, elle est belle. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Accusé comme il faut, ma tête ils vont couper. Et s'ils veulent me tuer, ils peuvent me la couper. Mais surtout pas trancher ce que papa m'a laissé. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it, baby, nothing like it. Nothing like it. Nothing like it. Nothing like it. Rébellion. cache, mordre sa paye, se faire virer pour une simple histoire de dents. Mourir un peu et puis zapper à la chaîne, travail à plein temps. Je suis le mage du pillage à tous les temps. Oui, moi j'emmerde tous mes amis. Oui, oui, oui, oui. Jamais je ne suis content. Non, non, non, non. Je me la traîne dans le tout Paris. Oui, oui, oui, oui. Sur des liasses, je me fais les dents. Non, non, non, non. Courir, c'est mieux, être sapé. Comme pour elle, c'est urgent. Propre sur eux devrait salter quand il s'agit de lever le camp. Souponnade et redigérée, cligne des yeux si tu m'entends. Je suis le mage du rapportage à ma maman. Je suis l'orage. Des hommages, hommages, des excréments. Je suis le mage du bel âge et du bel ment. C'est ça, Oxmo et bébé brûle, bébé. Quand on me fait signe, quel chagrin. La queen au magazine, trop d'esprit. A des futurs bonheurs, des millions d'honneurs que destine. A des futurs bonheurs, des millions d'honneurs que destine. La queen comme chante la signe, qui se meurt. Provoque au moins un rire lacrymal. La La Queen sur sa trajectoire. Plus parce qu'elle a pas dormi assez de soir. Qu'à cause de l'envers du désespoir. Alors La La devra lâcher tous ses projets de foire. Quand La La elle a mal, qu'elle sent même plus belle. Elle met des lunettes de Dalai Lama. Moi ton sac à rime, baby, toi l'impératrice. Ma reine, allons chasser la tristesse en safari. La Queen comme pour me faire signe. Quel chagrin. La queen au magazine, trop d'esprit. A des futurs bonheurs, à des millions d'honneurs te destinent.